Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Mon compte a été vidé, à mon avis c'est une erreur. J'ai perdu mon boulot, je crois que j'ai une tumeur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Pourquoi t'es triste quand je t'offre des fleurs? Hier soir sur internet, je me suis branlé sur ma sœur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. J'ai rencontré une fille sans pseudo, c'est bonheur, elle fait 120 kilos, chante comme une bonne sœur. Dès le premier soir, elle a cassé l'ascenseur, je veux plus la voir, elle torture mon facteur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Rends-moi ma vie, monsieur l'ordinateur. J'ai chopé une meuf réelle dans un quart d'heure. J'ai pas où cliquer, j'ai pas à parler sans clavier. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Les collègues de bureau ont chié dans mon télécopieur. Ils ont changé mon fond d'écran pour un raton laveur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. J'ai des amis virtuels qui habitent à l'équateur. Je suis bien content, je les dépouille au poker. Sauf une fois, je suis tombé sur un cracker. Je croyais télécharger la sextape de Tony Parker. Rends-moi ma vie, monsieur l'ordinateur. Je dois choper une meuf réelle dans un quart d'heure. J'ai pas où cliquer, j'ai pas à parler sans clavier. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley, MDR. Rends-moi ma vie, monsieur l'ordinateur. Je dois choper une meuf réelle dans un quart d'heure. Je sais pas où cliquer, je sais pas où ficher ma queue USB. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley, MDR. LOL, smiley, MDR. Trois copes. Yeah.